Psaume 49. Psaume des enfants de Corée, donné au maître chantre. Vous tous, peuple, entendez ceci, vous, habitants du monde, prêtez l'oreille. Que ceux du bas état, et ceux qui sont d'une condition élevée, écoutent, pareillement le riche et le pauvre. Ma bouche prononcera des discours pleins de sagesse, et ce que mon cœur a médité, sont des choses pleines de sens. Je prêterai l'oreille à un propos sentencieux, j'exposerai mes lignes notables sur la harpe. Pourquoi craindrai-je au mauvais temps, quand l'iniquité de mes talons m'environnera? Il y en a qui se fient en leur bien, et qui se glorifient en l'abondance de leurs richesses. Personne ne pourra avec ses richesses racheter son frère, ni donner à Dieu sa rançon. Car le rachat de leur âme est trop considérable, et il ne se fera jamais. Pour faire qu'ils vivent encore à jamais, et qu'ils ne voient point la fosse. Car on voit que les sages meurent, et pareillement que le fou et l'abruti périssent, et qu'ils laissent leurs biens à d'autres. Leur intention est que leur maison durera toujours, et que leurs habitations demeurent d'âge en âge, ils ont appelé les terres de leur nom. Et toutefois l'homme ne se maintient point dans ses honneurs, mais il est rendu semblable aux bêtes brutes qui périssent entièrement. Ce chemin qu'ils tiennent leur tourne à folie, et néanmoins leurs successeurs prennent plaisir à leurs enseignements, c'est là. Ils seront mis au sépulcre comme des brebis, la mort se repaîtra d'eux, et les hommes droits auront domination sur eux au matin, et leur force sera le sépulcre pour les y faire consumer, chacun d'eux étant transporté hors de son domicile. Mais Dieu rachètera mon âme de la puissance du sépulcre, quand il me prendra à soi, c'est là. Ne crains point quand tu verras quelqu'un enrichi, et quand la gloire de sa maison sera multipliée. Car lorsqu'il mourra, il n'emportera rien, sa gloire ne descendra point après lui. Quoi qu'il ait béni son âme en sa vie, et quoi qu'on te loue, parce que tu te seras fait du bien. Venant jusqu'à la race des pères de chacun d'eux, ce sera comme s'il n'avait jamais vu la lumière. L'homme qui est en honneur, et n'a point d'intelligence, est semblable aux bêtes brutes qui périssent entièrement.